Anéantissent ceux qui veulent, mais je poursuis mon rêve seul et refleuris un peu ma vie. J'ai bien les doutes, bien plus envie. Faire un tour que d'en finir, mais ceux qui traînent sous leurs menaces, je m'en distrais quoi qu'il en fasse, et je retourne vers ce que j'aime. Quand la peine ombre sur les toits seuls, ils veulent de moi, mais je m'en fous. Si qui en pense, je m'en fous. Est-ce qu'ils en pensent, et leur dégoût laissé sur place, et je m'en fous. Et leur haine, ce qu'il en découle, la seule vision étriquée qu'ils ont, je suis ailleurs, ils n'en savent rien. Je disparais, ils n'en savent rien. Ce que je sais, tout ce que je sais, ils n'en savent rien, non, ils n'en savent rien. Je disparais, ils sont bluffés.